Le calibre à la taille, c'est compliqué pour aller danser. Je t'avoue que mon cœur est noir et mon avenir, je veux pas y penser. C'est vrai que t'as des belles formes, mais je te rassure, t'es pas Beyoncé. Je suis venu chercher la quiche, t'as non, je suis pas venu pour m'ambiancer. Rien que ça ravitaille la zone, le terrain tourne comme pas possible. J'ai en sorte de rester discret, c'est pas mon briquet qui a le feu tellement facile. Dis-moi qui peut prendre ma place, même le boss il a un boss. À la piscine que l'on brasse tous, mes glissants et le rebord. Hey. Je t'aime encore en buvette, ce que tu voulais j'ai su le faire. Roméo déchiré Juliette, Cupidon enterré sous terre. Je vis dans un monde de fous où les fous sont bons qu'à faire les fous. Vers amène mes sous, fais ton poids, alors je rendez-vous. Le calibre à la taille, c'est compliqué pour aller danser. Je t'avoue que mon cœur est noir et mon avenir, je veux pas y penser. C'est vrai que t'as des belles formes, je te rassure, t'es pas Beyoncé. Je suis venu chercher la quiche, t'as non, je suis pas venu pour m'ambiancer. N'aie pas peur, c'est que j'ai l'habitude du danger. Quand je m'endors, j'entends le bruit du calage. Ni n'est pas fait, je vais pas rester en vrai. Le giro pas résonne dans les pages. Je fais des chemises au champ, le mot des refrains laisse tomber. Et dans ma tête, c'est trop gain qui t'a qui peut me combler. Tu fais des bisous. Des belles formes, je te rassure, t'es pas Beyoncé. Je suis venu chercher la quiche, t'as non, je suis pas venu pour m'ambiancer.